On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm done, I've been so wow. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Salut à tous, salut à toutes. Si je parle avec le micro éteint, c'est beaucoup moins bien. C'est Manu, comme tous les lundis soirs, ou presque de 19h à 20h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur ontherocks.net et sur Studio Zef en rediffusion. C'est cela même. C'est parti pour une heure et demie de musique avec des petits souvenirs pour commencer. Non, il y a une nouveauté, le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est une nouveauté. Ensuite, des petits souvenirs. Et puis après, ça va être de la nouveauté à qui mieux mieux. Plein de belles choses à venir dans les semaines à venir dans The Rocks. J'ai dit deux fois à venir. Lundi prochain, ce sera Angéline, éminente et magnifique chanteuse française qui sera à ses micros, là, en direct, pendant une heure et demie. Dans 15 jours, il y aura Sylvain de Sockeye Fever qui viendra faire une petite battle. Et puis, il devrait y avoir une émission spéciale Astrolabe qui devrait se concocter sous peu. Enfin voilà, plein de belles choses. Mais ce soir, c'est une heure et demie de musique. On va commencer avec le coup de cœur d'un album qui n'est pas encore sorti mais qui ne devrait tarder puisque ça fait, je crois, déjà le troisième morceau qui est balancé à nos petites oreilles. C'est un extrait du prochain album et de l'album à venir de Hills qui ne devrait pas tarder. Donc, et si on en juge sur les trois morceaux qui viennent de sortir, eh bien le prochain album de Hills sera très électrique. La preuve, voici ce morceau qui s'appelle Amateur Hour. C'est un coup de cœur et ça fait deux fois que Hills est coup de cœur dans On the Rocks en quelques semaines. C'est pour vous dire si j'attends l'album avec impatience. It was a near perfect morning, the sun was shining, birds making beautiful sounds. When all of a sudden it finally hit me, the truth came crashing down. Amateur hour, amateur hour. Baby, you're an amateur, you gotta go pro someday. Someday. Et je ne peux pas trop vous cacher qu'en ce moment, j'ai une sorte de petite monomanie sur les Beatles. Alors, vous allez me dire, ça fait quasiment 50 ans que ça dure, ma maniaquerie sur les Beatles. Mais alors là, j'ai une petite poussée de fièvre, d'abord avec le documentaire Let It Be, qui est sorti et qui est vraiment magnifique. Je me suis même abonné chez Mickey pour pouvoir le regarder. Vous décrire à quel point ce documentaire est émouvant et incroyable, jusqu'à l'apogée du concert sur le toit. C'est assez fabuleux et c'est du jamais vu. Et puis, comme il était du jamais vu, un peu ce qu'a fait Stromae hier, très très fort quand même, aux 20h de TF1. Et puis, pas du tout dans le même genre, mais enfin quand même, c'était assez bien joué. Et puis, le livre de Paul McCartney où il raconte toute sa vie à travers ses chansons et l'écriture de ses chansons. Et ben voilà, je me replonge dans les Beatles. C'est pour d'autres raisons que je ne peux nommer ici. Je replonge dans les Beatles jusqu'aux oreilles et ça me fait un bien fou. Le coup de cœur, c'était pas les Beatles, c'était Hills avec Amateur Hour, tiré du prochain album de Hills. Et puis, ce morceau me faisait un peu penser au Polite and Pam de John Lennon, époque Beatles, fin des Beatles, 1969-1970, époque Let It Be, Abbey Road. Eh bien, c'était la version à l'instant de Me and Mr. Mustard, encore un morceau de John Lennon et de Polite and Pam enchaînés comme ils étaient enchaînés sur la face B de Abbey Road, mais c'était la version de Corner Shop qui livrait une version un peu copie carbone de ce titre. On attend She Came In Through the Bathroom Window de McCartney qui devrait suivre sur enchaîné sur l'album Abbey Road, mais non, eux ils se sont arrêtés là et franchement ils le font vraiment bien, hein. C'est très fidèle à l'original. Et puisqu'on parle des Beatles, eh bien voici un morceau assez émouvant, puisque dans ce documentaire Let It Be sur les Beatles, on a beau dire que c'est la fin des Beatles, que c'est bientôt la séparation, qu'ils ont les cheveux gras, qui sont fatigués, mais dès que McCartney et Lennon commencent à jouer en face à face, l'étincelle s'allume dans les yeux, cette même étincelle qu'ils avaient à l'âge de 14 ans et qui les a réunis, un, par l'amour de la musique et deux, par la perte de leur mère respective, assez jeune. Eh bien, ces deux-là étaient encore à ce moment-là des Beatles, avec une complicité et surtout une alchimie musicale absolument hors du commun. En preuve, ce morceau qui s'appelle I've Got a Feeling, que vous connaissez tous évidemment, qui a été joué sur le toit deux fois lors du concert dernière apparition publique des Beatles sur le toit des studios Apple. Et donc il y a ce I've Got a Feeling qui est plutôt un morceau optimiste de McCartney et enchaîné avec le morceau plus pessimiste Everyone Had Harder de John Lennon, et ça fonctionne parfaitement. Et la joie de jouer sur ce toit en se débarrassant des problèmes qui étaient les leurs contractuelles, personnelles, eh bien, ils oubliaient tout, ils jouaient, et ces deux-là sont absolument magnifiques à regarder si vous avez l'occasion de regarder ça. C'est de l'émotion pure. I've got a feeling, voici les Beatles pour leur chant du cygne, et quel chant du cygne! you're with me all the time. Baby, I'm afraid of the way I leave you. Baby, I'm amazed at the way you help me sing a song. You write me when I'm wrong. Baby, I'm amazed at the way I really need you. D'abord, oui, les Beatles avec I've Got a Feeling dans The Rocks. Et puis, à l'instant, c'était The Faces. Et oui. Ce groupe, sans qui les Black Rose, par exemple, n'auraient jamais existé. Les Faces, groupe de Ron Wood, qui a rejoint depuis longtemps les Rolling Stones maintenant. Et de Rod Stewart, qui avait quand même une des plus fantastiques voix du monde, pratiquement à l'égal d'un Otis Redding, et qui, maintenant, en fait de la bouse depuis une bonne trentaine d'années. Les Faces se retrouvent de temps en temps en studio pour essayer d'enregistrer un album. Mais évidemment, plus rien ne sera comme avant. Et c'était Maybe I'm Amazed. Et c'est une reprise, évidemment. Morceau composé par McCartney sur son premier album solo en 1970. Et donc l'année d'après, les Faces avaient repris avec cette façon un peu pastringue. Alors ça, c'était 1971, ce morceau des Faces. Ça, c'était beaucoup de souvenirs. Eh bien, on va revenir à des nouveautés maintenant dans The Rocks avec un morceau que je dédie à mon copain Xav. Et oui, en instant, souvenez-vous, voici les Hoodoo Gurus qui reviennent avec un nouvel album, en tout cas un nouveau morceau. Et ils sont pas nés de la dernière pluie, mais en tout cas, ça fait plaisir de les retrouver. Carry On, c'est tiré donc du dernier disque des Hoodoo Gurus. Yeah. Alors voilà, forcément, quand on voit la photo des gars qui viennent de chanter à l'instant, on sent qu'ils mangent pas 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, eh ben, ils le font très bien. Et ce morceau, il est vraiment assez sympathique. Le groupe s'appelle Bowling for Soup. Ils existent depuis 1994. Et ils ne nous viennent pas des forêts éthérées de la Norvège. Non, non, ils nous viennent du Texas. Hein, ça s'entend. Killing Em with Kindness. Mais c'est pas que lourdeau. Parce qu'il y a quand même des sacrées jolies harmonies vocales là-dessus et de la mélodie. Donc voilà, des grosses guitares et des harmonies vocales. Si vous aimez le pop punk à la Green Day, ben, je pense que vous allez aimer ce dernier morceau de Bowling for Soup. Et à l'instant, juste avant, pardon, c'était les Hoodoo Gurus avec Carry On. Allez, cette fois, je vous emmène encore pour une nouveauté à Birmingham avec ce morceau qui m'a bien plu cette semaine aussi. Donc, je vous le mets dans les petites oreilles dans The Rocks. Ça s'intitule The Creator Appeal. Ça, c'est le nom du groupe. Et le morceau, c'est Rushed. À l'instant, dans The Rock, c'était Young Gov avec It's Only Dancing. Voilà, je vais suivre de très près ce Young Gov parce que ça fait deux morceaux de suite que je trouve absolument réjouissants. Voilà, c'est sa dernière nouveauté, ça n'a que quelques jours. Et juste avant, c'était The Creator Appeal. Ça aussi, ça n'a que quelques jours avec Rushed. Et il venait de Birmingham. Allez, c'était It's Only Dancing. Eh bien, puisqu'on parle de danser, bah voilà sur quoi vous auriez dû, vous auriez pu, et peut-être vous avez dansé à l'été dernier, en 2021. Voici un magnifique morceau tiré d'un album sympathique de quelqu'un qui s'appelle John Baptiste, avec ce morceau Freedom. Alors c'est un chef d'orchestre, John Baptiste, c'est lui qui a composé également la musique soul du dessin animé Pixar. Il a eu un Oscar pour ça, très actif également dans la lutte Black Lives Matter. Et bien il, sur son album We Are, il y a cette petite pépite qui s'appelle Freedom. Ça va nous dégourdir un peu les guiboles. Et puis juste après, et bien il y aura un morceau que je dédie à Duduche qui est derrière. Je dédie à Duduche, c'est rigolo à dire. Avec voilà un groupe qu'on a vu, on a eu la chance de voir sur scène, qui n'avait plus fait grand chose, et là il nous livre un morceau très étrange, c'est une nouveauté, je pensais pas qu'ils existaient encore, très étrange, avec un mélange de petites folk un petit peu, de chansons un petit peu entêtantes comme ça, un petit peu une ritournelle, et ça finit dans une espèce de truc grandiloquent, plutôt agréable je trouve, enfin, je vous laisse juger, mais en tout cas très surprenant par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Voici donc John Baptiste avec Freedom, et ensuite Duduche et les autres. Activez vos oreilles. peu de Pierre-Henry à la fin, il y avait un peu de Daft Punk, et puis il y a des grands orchestres. Enfin bon, c'était Finlay, bien joué, du Duche, très forte, avec un extrait peut-être de leur prochain album, ça s'appelle Strange One. Finlay qu'on avait eu le plaisir de voir en concert à Hop Hop Hop, c'était au Jardin de l'Évêché, concert assez fantastique, c'était le concert de cette édition à mon avis, et puis depuis ils étaient un peu passés à la trappe, et bien les revoilà avec ce morceau Strange One, et juste avant c'était John Baptiste. Allez, vous êtes dans The Rocks, et on a plein d'ambiances différentes ce soir dans The Rocks, on va revenir à quelque chose que je qualifierais d'un peu plus vénéneux. Morceau parfait pour rouler la nuit si vous êtes en voiture, montez un peu le son, n'éteignez pas vos phares, c'est dangereux. Voici King Hannah, c'est un duo de Liverpool et leur premier album est attendu le 25 février prochain, mais voici un extrait en avant-première et en avant-goût pour vous, All Being Fine, vénéneux donc. In another place. Et il nous reste trois bons quarts d'heure ensemble. Et à l'instant, c'était un trio de Texas, du Texas qui s'appelle Kruongbin. Alors c'est pas facile à dire. Il y a des H, il y a des K. Je vais y aller doucement. Kruongbin, qui se sont associés à Leon Bridges. Là, c'est plus facile avec ce morceau B-side, voilà, qui chaloupe bien et qui fait du bien en cet hiver un peu frisqué. On va revenir à des choses un peu plus rock'n'roll dans The Rocks avec encore un extrait de l'album de Four qui a été coup de cœur dans The Rocks. Je crois que ça a été coup de cœur, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait partie de mes morceaux favoris, un des morceaux de cet album de l'année 2021. Et bien voici encore un extrait de cet album. Ça s'appelle Anybody Else But Me et c'est maintenant et c'est dans The Rocks. We'll be right back. l'instant dans The Rock, c'était de la pop comme on n'en fait plus. Et c'est dommage parce que c'est ça, eux, ils le font très bien. Ça s'appelait Good Kid. Et le morceau, c'était Hobbit. Et juste avant, c'était Fure avec Anybody Else But Me. On va changer complètement d'atmosphère. On va sûrement changer de continent d'ailleurs, puisque je sais pas d'où ils sont, ces Good Kid là. Je dirais anglais, vu à l'oreille. Mais bon, des fois, c'est un peu trompeur. Eh bien, on va passer cette fois à Montréal, au Québec, avec un chanteur qui, pour moi, est une des plus belles voix de ces 10, 15 dernières années, voire 20 dernières années. Et pourtant, il passe assez inaperçu par chez nous. Alors, il a joué, il a même il a joué à Orléans. Je me souviens, c'était rue de Bourgogne, dans un petit bar. Il a même eu la gentillesse de m'accorder une interview à l'époque. J'avais été charmé par sa voix. Il a sorti quelques albums depuis et il ne cesse de confirmer son talent immense, qui a terrassé Stéphane Echer d'ailleurs, qui avait déclaré que depuis qu'il avait entendu ce chanteur, il n'arrivait plus à faire de la musique parce qu'il essayait de faire à chaque fois comme il faisait lui. Il s'appelle Liv Volbeck. Vous pouvez retrouver une interview de Liv Volbeck qu'il avait accordée à mon émission il y a quelques années sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Vous défilez un petit peu, vous déroulez 1, 2, 3, 4, il y a plein de petits numéros et à chaque numéro que vous cliquez, eh bien, il y a plein d'interviews et plein d'archives assez savoureuses. Et voici un extrait d'un live de Liv Volbeck avec I'm Not Your Lover, morceau encore supérieur, un petit peu plus velu, voilà, un petit peu plus rêche, on va dire, que celui qui figurait sur l'album. Liv Volbeck avec I'm Not Your Lover, c'est dans The Rocks et c'est magnifique. Et c'est maintenant, je vous avais prévenu, on change un peu d'ambiance. Standing in line at the filling station. Love the smell of the gas just waiting. I know I shouldn't breathe it in, but I do in a way. See the lights and I'm getting to the city. Drifting in thrift stores, I see something pretty. See a jacket I'd wear till I gave it to you. I'm not your lover. I'm not your lover. Dogwood in the summer air, Kentucky grass, wishing that you were there. With your hand on my knee, put your hand on my shoulder where you wanted to be. I'm not your lover. Not your lover anymore. You shake my spine and tell you someone made it. Pour the wine till I can't separate it from my brain. This time on the highway covered in rain. I'm not your lover. I'm not your lover. I'm not your lover. I'm not your lover. Thank you. left home in the evening, and I came home in the morning all the same. I mean, I saw two hands that moved, but that's the only proof that anything has changed. Volbeck avec I'm Not Your Lover en live enregistré au Troubadour, et puis à l'instant dans The Rock c'était The Ballroom Thieves, encore une nouveauté avec Borderline. Et puisqu'avec Liv Volbeck on était dans les voix majestueuses d'un artiste qui est passé à Orléans, et bien voici encore une voix majestueuse, et voici encore un groupe qui est passé à Orléans, c'était également à Pop Up avec une belle interview également dans The Rock s'ils reviennent. Et voilà, la dernière fois que j'ai diffusé ça, Mathieu de l'Astrolabe, qui devrait pas tarder à venir nous faire un petit coucou, avait dit oh là là, il faut que je les reprogramme cela. Absolument. Eh bien, Mathieu, suis ton idée, ce serait vraiment avec plaisir. Ça, ils sont suisses, ça s'appelle Black Sea Dahu, et je vous conseille d'aller écouter l'interview sur ontherocks.net qu'ils nous avaient accordé il y a quelques mois de cela. Black Sea Dahu, un de leurs derniers morceaux sortis à la toute fin de 2021, ça s'appelle Affection. I turn myself inside out. You don't even know. I put on the war paint and calm the winds of your trauma. Close in, where do you end and where do you begin? I lead my broken heart in your head. Thank you. I spend my time wandering in the fog, trying to shake the thought. Oh, everyone's out to get you, tread so hard to push me away. I'm reading into every word you say. Sundays in the trees, they're cracking my composure. Oh, these wild roots wound round my knees, make me fall over. Look around, it's no rain without a sound. Are you falling? Tomorrow. it's cold here, and I'm tired of taking orders, and I miss old Rockford town up by the Wisconsin border. What I miss you won't believe, shoveling snow. Close my eyes every night, and I dream that I can hold you. They fill us full of lies. Everyone buys about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel about all. Will God on his throne get me back home on the day after tomorrow? You can't deny the other side. Don't wanna die any more than we do. What I'm trying to say is, don't they pray to the same God that we do? Tell me, how does God choose? Whose prayers does he refuse? Who turns the wheel? Who throws the dice? voix d'exception dans On The Rocks. À l'instant, vous avez pu entendre cette voix fragile, cassée sur un fil et magnifique, avec ce Holy Night derrière en filigrane. C'était Phoebe Bridgers. Je vous conseille d'aller écouter des albums de Phoebe Bridgers. C'est très très beau. Day After Tomorrow et pour cette artiste américaine. Et puis juste avant, c'était les Suisses de Black Sidahu avec Affection. Tiens, puisqu'on est dans les belles voix, voici un concert. Alors, je devais y être à l'Astrolabe et puis un empêchement. Eh bien, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais c'est JJ Johansson. Voilà, cette espèce de grand échalas avec une voix absolument magnifique qui peut rappeler celle de Chet Baker. Eh bien, il a sorti un magnifique album à la fin 2021. Il vient d'en ressortir un, là, il y a quelques jours, un album qui est uniquement composé de reprises de musique de film. Alors, ça tape dans tous les sens. Ça peut aller de Charlie Chaplin à... Il y a un peu de tout. Voilà, il y a vraiment un peu tous les styles. Et puis, il y a... alors, ça va même Joker, The Joker. Et puis, il y a ce morceau qui est assez fascinant. Ça s'appelle Midnight, The Stars and You, qui est vraiment un morceau... de crooner, vieux morceau de crooner américain, un peu à côté de ces morceaux-là, les morceaux de Dean Martin, on dirait du punk un petit peu. Mais pourtant, il est utilisé dans un film à un moment assez particulier, et ce film, c'est Shining, un des films les plus effrayants du monde. Et du coup, quand on écoute maintenant La Force du Cinéma, quand on écoute ce morceau et qu'on a vu Shining, ou revu Shining comme je l'ai fait, eh bien ce morceau fait toujours des petits frissons dans le dos. Ça dure pas très longtemps, mais en tout cas, la reprise de JJ Johansson est assez savoureuse, tirée donc de son dernier album. Voici donc Midnight, The Stars and You, qui est tiré du film Shining. Et puis juste après, la tête pensante des Talking Heads, la tête pensante des têtes parlantes, David Byrne, revient avec Yola Tango et leur association sur une pochette de disque qui montre une photo de Yoko Ono pixelisée. Décidément, les Beatles, on n'en sort jamais. David Byrne et Yola Tango vous proposeront le titre Who Has Seen The Wind, et ça aussi c'est une nouveauté toute chaude. Vous êtes dans The Rocks. Midnight with the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought a sweet romance. I know all my whole life through, I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight with the stars and of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that undo me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that outdo me. I love the winter weather, 'cause I got my love to keep me warm. Slide a fire and let it snow. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me. And collect the kisses that are to me. I love the winter, weather, 'cause I got my love to keep me warm. 'Cause I got my love to keep me warm. 'Cause I got my love to keep me warm. On a fait dans le suranné dans The Rocks pour terminer l'émission, quasiment terminer l'émission. Ça fait du bien le suranné de temps en temps avec Gigi Johansson, Midnight, The Stars and You, The Shining, David Byrne, Yola Tango avec Who Was Seen the Wind, morceau assez étrange. Et puis à l'instant, le délicieux, la délicieuse petite tisane de Lofey Dodi avec Love to Keep Me Warm. Bientôt fini dans The Rock. Je vous retrouve la semaine prochaine, le 17 janvier. Ce sera en direct dans les studios, comme d'habitude. Mais là, il y aura Angéline et son comparse qui viendront nous jouer, ou en tout cas nous présenter son dernier album. Et ça, ça va être vraiment, vraiment sympathique. On termine l'émission avec un morceau d'Alix Page. Le morceau s'appelle Radiohead. Et ensuite, un morceau de Radiohead qui ne s'appelle pas Alix Page, mais qui s'appelle Follow Me Around. Ciao, bonne nuit, bye bye. C'était On The Rocks. Last night I dreamt that we were older, painting a living room white. You were dressed up for a funeral and trying to start a fight. I put flowers in the doorway, hung up the photograph. Forgot that you're a stranger and always hated wearing black. And I hate to bring it all back up again. I don't believe you meant a word you said. I think that she was on your mind. Imagine what corner of the street, calling after me. Coming down the fast lane, coming after me. You follow me around. You follow me around. You follow me around. You follow me around, blowing holes in everything, Thatcher's children. See you on the way back down. Follow me.